La porte est fermée, coffre passe par les toits. N'oublie jamais que les pauvres font pas les lois, que les pions ne font pas des rois. Difficile de rester calme lorsque le diable chante à côté. Du haut de la tour, tu regardes le monde, une part de toi pense qu'à sauter. Et frappe en zéro tac, si t'es trop cool, tu franchis zéro cap. Refais l'équipe comme Alonso au Bayern 04. Ils parlent pour rien, tes malheurs poches, ça pue le sec. Tout ce qu'ils méritent, c'est leur sang de fils de pute sur le capot d'un Q7. C'est la loi du plus fort depuis les cartes magiques. Ton assos meurt, rien dramatique, à vous condamner dans un cat magique. Et fuck le rap, puisque ça rapporte encore rien. Tu fais même pas un disque d'or, alors un 10 de platine encore moins. T'es bien battu, ça c'est ce qu'on dit aux fèves. Vas-y, reflète, peut-être que j'existe, ou bien peut-être que t'es juste devenu schizophrène. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape au fond? Écoute-moi, ils veulent la guerre, on va leur faire, j'suis Al. À nous deux, on part au front. Si ce fils de pute nous taise, vas-y, presse la détente. C'est toi le meilleur, ouais, c'est toi le boss. T'es le Chicago des années 30. Et j'en ai marre, tes états d'âme, va toi j'en ai plein le cul. Tu parles de vie avec des gosses à croire, tu t'en es convaincu. Tu veux la petite maison, sois raisonnable, t'as perdu la raison. Dans la vie que t'as choisi, il pleut du sang toutes les saisons. Avenue du bonheur, veux t'immatriculer. Alors pourquoi je te parle, dis-moi, qu'est-ce que je fous encore là, petit enculé. Tu fais du mal depuis les péritelles, tu rêves d'une vie paisible, c'est marrant, tu crois dans une série américaine. Je croyais en toi, alors je t'ai suivi dans ta quête. Ce monde t'a rendu fou, mais on est mieux à parler à deux dans ta tête. Tu veux la paix de vue et des étoiles de merde. Tu pètes un crabe, tout ce qui va pleuvoir sur nous, c'est des pétales de merde. Regarde ce monde car c'est dans le noyau que t'es. Première erreur, ils te connaissent plus, ils effacent tout et toi tu me parles de loyauté. Dans la vie tout dégage, quand le temps tourne les pages, tout le monde t'oublie, personne te retient si tu sautes du dernier étage, tu sais. Et ça fait mal comme une putain de balle dans la horde. Quand t'as voulu prendre leurs mains, ces fils de pute t'ont claqué la porte. Et y'aura un tas de sang parce qu'il y a un tas d'hommes. Les regrets c'est qu'on pardonne et toi tu voudrais qu'on pardonne. Jamais, au fond toi-même tu sais, de toute façon fais comme tu sens. Retiens une chose, n'oublie pas que toutes ces putains d'hyènes connaissent l'odeur du sang.